pris sur le vif. Écoutez. Madame, comment s'écrit chrysanthème ? Moi, madame, moi, madame. Épelle-le lui. C-H-R-Y-S-A-N-T-E, accent grave, M-E. Répétez. Madame, comment s'écrit chrysanthème ? Moi, madame, moi, madame. Épelle-le lui. C-H-R-Y-S-A-N-T-E, accent grave, M-E. Écoutez. Monsieur Chirouze n'est pas là. Non, monsieur. Pouvez-vous lui laisser un message ? Oui, de la part de qui ? Monsieur Dupuis. Comment ? Dupuis. Comment ça s'écrit ? D-U-P-U-Y. Répétez. Monsieur Chirouze n'est pas là. Non, monsieur. Pouvez-vous lui laisser un message ? Oui, de la part de qui ? Monsieur Dupuis. Comment ? Dupuis. Comment ça s'écrit ? D-U-P-U-Y. Écoutez. Pouvez-vous m'épeler ? Ponscorf. Pierre, Oscar, Noémie, Thérèse. Trait d'union, Simone, Charles, Oscar, René, Françoise, Françoise. Répétez. Pouvez-vous m'épeler ? Ponscorf. Pierre, Oscar, Noémie, Thérèse. Trait d'union, Simone, Charles, Oscar, René, Françoise, Françoise.